Conlambi Musique Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Premier dimanche de chaque mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 16h-17h. Conlambi Musique Jeudi avec EDS. On poursuit notre dossier qu'on a démarré le mois dernier, Beat l'Entoulaté. On rappelle dans Musique Jeudi un petit panorama des musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe et dans Beat l'Entoulaté, des beats venus de partout dans le monde, un peu partout, le tour du monde des beats. On a démarré bien le mois dernier, on s'est promené un peu dans différentes régions du monde, en Amérique du Sud, en Afrique, dans la Caraïbe, bien évidemment. Et la voix de Conlambi nous a aussi rappelé, nous a planté le décor avec un petit rappel de l'origine des beats. Forcément, ça, on va chercher du côté du hip-hop, du reggae, du dub, et donc une racine caribéenne de toutes ces musiques digitales qui forcément nous parlent. Et dans Conlambi Musique Jeudi, c'est l'occasion pour nous de se poser la question, qu'en est-il de la Martinique et de la Guadeloupe dans ce parcours mondial des beats? Et après s'être promené un peu à l'extérieur, aujourd'hui, on va se concentrer sur un personnage essentiel dans toutes ces musiques électroniques, c'est le DJ. Et oui, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir deux DJ, un de Martinique, un de Guadeloupe, dans l'émission, DJ Nos et DJ Motsek, qui vont un peu nous parler à la fois de leurs influences, mais aussi du travail qu'ils font eux-mêmes en tant que compositeurs. Et ce sera le deuxième volet de notre dossier Beats l'Entoulaté. Et on débute tout de suite en direct de Martinique, presque en direct, avec DJ Nos. DJ Nos, tu as mixé au Martizic en Martinique, participé au Soca Monarque de Trinidad, au festival Chalet Wote au Ghana, si je prononce bien, et à la dernière édition du festival Afropunk à Paris. D'abord, qu'est-ce qui pousse le DJ de soirée que tu as aussi été à se tourner vers des DJ sets dans les festivals? L'idée du festival, pour moi, ça a été de pouvoir être dans des espaces où les gens, pendant un set, généralement entre une heure et demie, viennent écouter le propos de un DJ et pas juste danser. En fait, il y a aussi un truc de très personnel parce qu'en fait, le fait qu'il y ait des line-up avec plusieurs artistes, c'est vraiment un propos que chacun vient présenter et du coup, ben, ça laisse la place pour qu'on puisse faire un concentré généralement d'une heure, une heure trente de exactement ce qu'on veut dire. Comment passes-tu du mix au remix à la composition? À quel moment sens-tu que tu te réalises en tant que DJ? Ben, en fait, pour moi, les trois sont intimement liés, c'est-à-dire que je suis DJ, je joue du son. Et si je peux jouer mon son, tant mieux. Alors, jouer le son des autres, évidemment, puisque c'est un peu le jeu. Mais si tu veux, il y a certains sons, plus que d'autres, qui m'inspirent. Alors, certains m'inspirent pour mes propres créations. Dans ce cas-là, c'est un certain nombre de mes compositions. Et puis, il y en a d'autres qui m'inspirent pour des remixes. L'idée, c'est de mettre à ma sauce, pour l'inscrire aussi dans ma démarche et dans mon propos, des morceaux faits par les autres. Donc l'accomplissement pour moi au final, c'est de pouvoir justement entremêler tout ça, mes différentes influences, les musiques que j'aime écouter, que je pense qu'il y a un potentiel pour être joué, les remixes, donc du coup mes versions de certains sons, et puis évidemment mes compositions pour jauger sur un public mes propres créations et voir comment ça prend. Lorsqu'on écoute tes sets, on sent la volonté de mélanger beaucoup de styles. À l'heure où les sons de plein de régions du monde deviennent populaires, notamment par rapport à l'EDM et à l'apport des DJ électro, comment fais-tu tes choix dans cette sono mondiale ? Alors, moi, mon grenier principal, l'endroit où je vais un peu chiner de la musique, c'est SoundCloud. C'est une source intarissable de musique, de nouveautés, d'artistes connus, pas connus, de remix, de versions originales. En fait, je trouve que ce réseau social est très riche. La plupart de mes sons, je les trouve sur SoundCloud. Ou bien des fois, quand je vais en soirée, je shazame de la musique et puis je la rejoue si ça me botte. Donc voilà, c'est un peu ma source principale. Globalement, mes sets, ouais, ils sont très hétéroclites parce que j'ai... Voilà, je pense qu'on est, on est un peu plus sûr dans ma tête et que j'ai pas mal d'influences. Et j'essaye de les représenter de manière globale quand je joue. Le fil conducteur, en fait, l'idée, c'est que moi, à chaque fois que je mixe, j'essaye d'imaginer une histoire, alors plus ou moins définie, avec un début, un milieu et puis une fin. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, des fois, je fais plutôt par BPM. En fait, l'idée, de manière générale, mes sets sont souvent un panel qui représente l'africanité, qu'elle soit caribéenne, afro-caribéenne, qu'elle soit afro-américaine ou africaine du continent. En tout cas, l'africanité exprimée dans son ensemble. Après, je suis ouvert à d'autres styles musicaux. Il y a plein de styles musicaux que j'écoute qui ne sont pas forcément d'origine africaine, ou en tout cas créés par des Africains. Mais en tout cas, africain au sens large, j'entends Afrique, l'Afrique continentale et sa diaspora. Donc ouais, c'est principalement ça la source de mes sélections. J'ai 3 coups de cœur en ce moment. Il y a le morceau là de J Balvin et Willie Williams que j'aime pas mal. Mijente, j'aime beaucoup ce son. Alors j'aime beaucoup surtout le sample qu'il y a au début, qu'il y a dans le son, le pom pom pom pom pom pom pom. Ce truc là, je trouve ça bien bad. Du coup, j'aime bien ce son là. Je joue pas la version originale qui est un peu light, même si le sample est bien lourd. Je joue plutôt des remix. Là, je suis tombé sur un remix by Elephant que j'aime bien passer. Sinon, y a le son d'une artiste que j'ai découvert qui s'appelle Niska. C'est une artiste haïtienne qui fait un truc pas mal, un genre de trap haïtien. Alors, je mets vraiment haïtien avant d'être trap. Dernier son, en ce moment j'écoute une artiste que j'ai découvert récemment qui s'appelle Jojo Abbott. Alors j'oublie le nom du morceau, mais ça, c'est un remix, c'est un genre de cover du son Work It de Miss Elliott. Enfin, c'est un mélange entre son morceau et Work It. Donc du coup, j'aime pas mal ce son-là. Now. Le contre-coup de cette tendance world électronique, c'est la critique d'appropriation culturelle ou de perte de substance des musiques racines utilisées. Tu as la particularité rare pour un DJ de jouer du tambour belay, tu cites Mona, Kassav comme influence majeure, et on entend des voix comme celle de Fanon ou Césaire dans tes remixes. Comment gères-tu cet équilibre, peut-être à trouver, entre valorisation de culture régionale et folklorisation ? Ah ben oui, c'est carrément une préoccupation pour moi. Je crois que à certains moments, j'étais dans des dynamiques où j'étais plus dans une résistance, mais dans une volonté d'acceptation de l'autre et dans ces espaces. Et je crois qu'en fait, maintenant, j'en suis à autre chose, où l'idée pour moi, c'est de plutôt nous créer des espaces où on peut être libre d'être ce qu'on est en tant qu'afro-descendant. C'est trouver le juste équilibre pour ne pas tomber dans de la folklorisation, justement, mais donner les éléments fondamentaux de nos différentes cultures et pouvoir les exprimer sans compromis. Du coup, voilà, c'est ça. C'est un peu ça l'idée pour moi. Par exemple, moi, sur le projet Mada House que j'avais et sur lequel on continue à bosser, l'une des idées premières, c'était véritablement ça. C'était à un certain moment, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup la musique électronique et on se retrouvait à écouter des musiques d'artistes hollandais, d'artistes américains qui utilisent beaucoup de nos rythmiques. Et au final, quand nous, on les utilise, la musique est tout de suite associée à des espaces qui ne sont pas des espaces caribéens ou des espaces africains. Donc du coup, l'idée pour nous, c'était de se réapproprier ce qu'on nous avait volé. C'était un moment dans mon idée, même si je trouve que le slogan a servi à des choses beaucoup trop négatives, mais « Make black music black again », j'aimais bien l'idée, parce que voilà, on n'a pas arrêté de nous piller tout un ensemble d'éléments culturels et de se les réapproprier. Donc, oui, c'est carrément une préoccupation pour moi. Que t'apporte en tant que DJ la connaissance du tambour ? Raconte-nous les masterclass que tu as pu donner au Ghana. Je crois comprendre que la transmission fait partie de tes activités professionnelles. En tant que DJ, la connaissance du tambour, c'est ma base. C'est ma base en tant que musicien, en tant qu'artiste. C'est le premier outil d'expression que j'ai utilisé pour exprimer de l'art, donc de la musique. J'avais 3 ans, j'ai commencé à jouer très tôt parce que baignant dans un environnement où j'avais accès au tambour et à la connaissance du jeu. Donc du coup, en tant que DJ, je remobilise ces savoirs-là. Et l'idée pour moi est justement de faire des platines, mais mon tambour électronique, l'idée pour moi, c'est un instrument, c'est un canal qui permet de partager une émotion qu'on rend manifeste pour que d'autres puissent la ressentir. Oui, le tambour belle, après, est central pour moi dans ma vie de manière globale. Si tu veux, j'ai une formation de prof de musique en musique actuelle, donc tout ce qui est platine, machine, etc. et en musique traditionnelle martiniquaise. Et j'ai cette formation-là. Alors, pour plein de raisons, je ne pratique pas à 100% de mon temps l'activité de professeur de musique. Elle est plutôt occasionnelle, déjà par rapport à de manière structurelle. En Martinique, il n'y a pas les structures qu'il faut. Et puis deuxièmement, parce que j'ai aussi fait le choix de plutôt me consacrer à la scène. Du coup, au Ghana, oui, j'ai pu remobiliser cette capacité, en tout cas ces compétences que j'ai, dans un masterclass où j'ai présenté à un panel de gens qui représentaient une espèce d'espace cosmopolite artistique, où il y avait des Nigérians dans le masterclass, une Rwandaise, une Américaine, une Afro-Américaine, et différentes personnes qui ont pu profiter de mes enseignements, où j'ai pu présenter le tambour belay, mais plus largement la culture martiniquaise et la place que le tambour belay occupe au sein de celle-ci. Il y a une domination grandissante de tout ce qu'on regroupe aujourd'hui sous le nom d'Afrobeat, en provenance notamment du Nigeria ou du Ghana, sur la musique dancehall aux Antilles et la percée aux US ou en Europe d'artistes comme Wizkid. Quel est ton retour d'expérience du festival au Ghana ? Qui as-tu appris ou découvert ? Et qu'as-tu eu le sentiment d'avoir pas portée sur place. Alors ouais, il y a un engouement particulier en ce moment sur tout ce qui est afro, musicalement, un peu afro-pop, afro-beat, etc. Et là-bas, sur place, j'ai pu constater, j'étais à la Mecque, sur l'une des villes principales où se construit cette musique, où se consomme ces musiques. Et c'était vachement cool, mais c'est intéressant parce que, si tu veux, les apports sont divers et mélangés. La musique, là, celle qu'on appelle afro-beat en ce moment, représentée par Wizkid, ou afro-pop, je sais jamais c'est quoi véritablement le terme. Ben c'est déjà un mélange, c'est-à-dire que pour moi c'est aussi l'expression du panafricanisme, c'est-à-dire c'est plein de choses qui s'entremêlent, donc du coup de manière singulière. C'est de la musique nigériane, mais qui prend des éléments dans la musique afro-américaine, mais également dans la musique afro-caribéenne, notamment avec la dancehall. Donc du coup c'est un carrefour de rencontres, et je pense que c'est aussi pour ça que maintenant beaucoup de gens peuvent s'y retrouver, parce que ben, ça parle globalement aux afro-descendants, mais de manière plus générale à tout le monde, quoi. Enfin, à toutes les personnes qui peuvent y être intéressées. Et en fait, le Chalet Festival auquel j'ai participé, ils le définissent comme un festival de street art. Alors moi, de la manière dont je l'ai compris au départ, je pensais que c'était un festival d'art de rue, alors que c'était plutôt un festival d'art dans la rue. Si tu veux, c'était une espèce de grand moment pour moi. C'était un mélange entre une bad fête patronale, un bad festival de jazz ou même de grands festivals tels qu'on peut voir en Occident, comme Coachella, etc. Et puis aussi une espèce de biennale contemporaine, d'art contemporain. Tout ça mélangé et tout ça s'interpénétrant, et de manière à ce que tout le monde, que ça soit au niveau du public et même au niveau des artistes, trouve sa place et puisse s'exprimer. Donc du coup, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant et je suis vachement content d'y avoir participé. Ben justement, pour parler de ma participation, ben j'y ai joué deux fois, et puis j'ai eu l'occasion de participer à une discussion autour alors je ne me rappelle plus exactement le sujet, mais l'idée, c'était un peu comment la question, pas du soin directement, mais comment je place l'art comme étant un élément de sinon de réconfort, mais qui permet de se soigner. Du coup, on a discuté de ça, et j'étais dans un panel où il y avait un artiste ghanéen et un artiste allemand, et c'était vachement intéressant de discuter autour de ça. Donc du coup, voilà, c'était un peu ça mon apport, donc un apport musical, et puis le masterclass, et aussi ma vision en tant qu'artiste, et en tant qu'artiste afro-caribéen. Comment s'est passée ta participation au festival Afropunk ? Qu'est-ce qui t'a distingué selon toi en tant que DJ martiniquais ? Mais ça s'est très très très bien passé. C'est-à-dire que pour moi, c'est un objectif que je m'étais fixé il y a un peu moins d'un an avant d'y participer. Et puis finalement, à peu près 7-8 mois après, j'étais sur le festival Afropunk Paris. Du coup, en tant que DJ martiniquais, je pense que de toute façon, que ça soit de manière symbolique ou de manière vraiment factuelle, la présence de mon tambour belay, qu'il soit manifesté dans ma musique ou dans le fait d'y jouer et qu'il soit présent sur la scène. Pour moi, c'était une grande fierté aussi de hisser mon tambour belay sur la scène internationale, sachant que le festival Afropunk, c'est un festival qui a une porte internationale. Dans l'idée, pas de légitimer le fait que mon tambour, que ma culture ait de la valeur, mais justement pour le placer sur l'échiquier mondial de l'art et de la musique. Donc voilà. Oui, je pense avoir présenté ou représenté ma culture martiniquaise sur ce festival. Alors, pour la petite histoire, on était deux DJ martiniquais. Il y avait Quincy, qui est aussi une martiniquaise basée à Paris, et moi en tant que... et moi, DJ Nos, qui était sur le line-up. On te voit au travail sur tes machines dans la séquence Le Sampleur du média RAK, R-A-K. Tu utilise notamment et finement un sample de gel Mona pour produire un beat. C'est une pratique développée depuis les années 90 dans le hip-hop créole, utilisée plus rarement ou de façon plus grossière par certains DJ plus généralistes aux Antilles, surtout pour des remixes. Comment es-tu arrivé, toi, au sampling ? Bon, moi, le sampling, si tu veux, j'ai commencé par ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à utiliser un ordinateur et que j'ai commencé à vouloir devenir DJ, ben je manipulais des morceaux déjà existants, soit pour faire des boucles, soit pour utiliser des petites bribes, des acapellas, etc. Donc du coup, c'est un élément qui est l'élément de base de ma création musicale. Plus tard, après, dans ma pratique, est intervenue l'utilisation des synthétiseurs, etc. Mais du coup, ça, c'est mon élément favori. Oui, c'est une pratique qui est intimement liée à la création du hip-hop. Et maintenant, dans l'hip-hop créole, ça se fait, en fait, ça s'est fait d'utiliser, de sampler ou de reprendre des mélodies de musique traditionnelle. En ce moment, alors, je sais pas à quoi tu fais référence au niveau de la scène locale, mais moi, je pense que l'idée, c'est qu'on a un outillage, on a un patrimoine, on a un héritage que nos ancêtres nous ont légué et qu'on peut après s'en servir. Après, je crois que c'est le public qui décide si ça c'est intéressant ou pas. Après, il y a certaines personnes qui l'utilisent de manière plus ou moins grossière, mais moi je crois que tant que c'est utilisé, je suis content. Ça veut dire que c'est quand même ça reste quand même dans un conscient collectif. Donc moi je trouve ça très bien. En tant que DJ, est-ce difficile de proposer de la nouveauté musicale en Martinique? Ouais, trouver de la nouveauté en Martinique c'est assez difficile pour moi, et tandis que bon, moi je m'inscris plutôt sur, en tout cas maintenant, sur un créneau assez alternatif, et il y a des choses qui se font. J'aime pas tout, il y a certaines choses que j'aime, mais quand c'est le cas, ben je peux les rentrer dans ma sélection. Tu parles de ta martinicanité que tu revendiques, l'entends-tu en musique dans les sorties actuelles? Ouais, je réfléchis. Après, le truc, c'est que c'est ça arrive tellement rarement que oui, tu pointes un vrai problème que je trouve, c'est l'idée de l'expression de la singularité artistique en Martinique. En tout cas, qui n'est pas en référence à une norme et qui ne respecte pas exactement tous les canons de cette norme. Je crois que, enfin, trop peu d'artistes se définissent dans un style qui leur est propre, c'est-à-dire même s'il y a un grand genre, mais je crois qu'on peut, chaque artiste, inventer son genre et proposer son univers et surtout proposer sa vision. Je trouve ça un peu dommage, donc du coup, bon, au niveau de la Martinique, je trouve ça un peu light. Ouais, dans les sorties actuelles, ben ouais, j'ai pas forcément d'idées de choses qui se font. Alors, si tu veux, je peux te donner trois exemples de, peut-être pas de morceaux, mais d'artistes dont j'aime bien le travail. Il y a un artiste, un beatmaker qui s'appelle Azou, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais, je trouve ça vachement intéressant et j'entends une connaissance de notre patrimoine musical. Ah, elle veut voir la mer, elle veut que je l'emmène. Ah, Azou baby dans la Benz, cache un beat de la semaine. Ah, vivre ma vie, mon négro, comme si c'était la dernière. Les ennemis cousins sont plus nombreux qu'hier, sont plus nombreux qu'hier. Un enfant qu'il monte. Un enfant qu'il monte. Il y a un autre artiste qui s'appelle Yon, avec qui aussi j'ai connecté un peu avec lui et j'aime bien ce qu'il fait, c'est un jeune rappeur. T'as ton chien, bon ton, t'as ton chien, bon ton. Mets des plis là dans VR, t'as ton chien, bon ton. Ou pas ni la tête de l'emploi, t'as ton chien. Et troisième artiste, je pourrais difficilement citer. Alors, il y a Malika Pénon, que j'ai vu qui, en tout cas dans le lifestyle, dans la com, elle a l'air basée sur un travail comme ça. J'ai pas encore eu l'occasion, même si on doit bientôt bosser ensemble, d'écouter ce qu'elle fait. Mais quand j'écouterai, peut-être que ça fera partie aussi de mes coups de cœur. Collabores-tu avec des artistes locaux ou non en tant que beatmaker? J'ai commencé à travailler avec un jeune Tambouille Bélé qui est de ma génération et qui m'accompagne sur un travail qu'on appelle le futur Belle Beat. Donc l'idée, c'est de mélanger les rythmiques martiniquaises. Alors, il n'y a même pas une idée de mélange, c'est plutôt de créer un univers musical formalisé par, évidemment par la présence du tambour-bélé, mais par l'utilisation des machines, mais où le propos il est complètement bélé. Voilà. On en est encore à voir des artistes choisir de chanter en français ou en anglais pour s'exporter, ou effacer les aspérités de leur musique pour s'internationaliser, voire courir derrière les tendances internationales pendant que d'autres récupèrent ce qu'on délaisse, comme avec la kizomba ou le zouk bass. Toi qui es un observateur des scènes internationales et sensible aux cultures associées, quel serait ton souhait pour le développement de la production locale? Ben, moi, mon souhait pour la production locale, ce serait qu'à un certain moment, les artistes martiniquais, de manière générale, comprennent que l'enjeu pour nous en tant qu'artistes, s'ils se placent à l'échelle internationale, notre place n'est pas dans une espèce d'endroit où on est cannibalisé par la culture des autres, mais un endroit où on participe pleinement et avec tout ce qu'on a, avec tout ce dont on est chargé, à cette grande danse ou à ce grand bal, à cette espèce de grande scène internationale. Je crois que c'est... Bon, après, de toute façon, c'est sur ce que je travaille. L'idée, pour moi, c'est de penser local pour participer à une dynamique globale. Mais je ne peux pas, moi, en tant que Martiniquais, arriver sur la scène internationale et puis faire la même chose que les autres. Ça n'a pas de sens pour moi. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui ressemble à leur truc, ça ne pourra jamais être leur truc. Parce qu'en fait, je ne veux pas que ça soit leur truc. Je veux que ça reste mon truc et que ma sensibilité, ma singularité s'exprime. C'est-à-dire que bon, enfin, et ça a toujours été, c'est-à-dire que on a toujours participé à une danse globale, mais toujours en ayant, de manière subtile et avec du génie, posé une singularité dans quelque chose. Si on fait une première écoute, on peut penser que c'est la même chose, alors que c'est sensiblement différent. Je pense par exemple à l'époque de la Big In en même temps qu'il y a la Big In, ou dans des périodes à peu près similaires, ben t'as la Big In, t'as le Mento en Jamaïque, t'as le Calypso, ou Queso d'ailleurs je crois à l'époque, à Trinidad, t'as le jazz aux États-Unis, et t'as tout un ensemble de choses qui se développent à la même période, qui sont sensiblement pareilles, qui peuvent paraître pareilles, mais qui défendent des enjeux et qui musicalement ont des différences qui sont notables. Donc voilà, moi c'est ce que j'espère pour le milieu artistique martiniquais, c'est que chacun puisse être conscient de la valeur de ce qu'est être martiniquais, de l'héritage qu'on nous a laissé, et qu'on puisse s'en servir pour continuer à exister plutôt que de subsister dans un environnement totalement mondialisé. Quel regard portes-tu sur l'évolution du dancehall martiniquais, à la fois populaire sur place et dénigré? Alors, moi, le dancehall martiniquais en ce moment, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe, même si au début, moi, j'étais un petit peu critique sur l'approche, notamment l'avènement de tout ce qu'on appelle rythme de notes. Finalement, je trouve que ça crée une singularité, c'est-à-dire que quand on entend rythme de notes, c'est quelque chose de vraiment différent. Alors, est-ce qu'on doit se différencier dans quelque chose qui serait médiocre? Bon. C'est une question, mais à bien regarder le trap ou tout un ensemble de musiques qui sont de la même période, ont leur côté un peu léger. Alors je pense que aussi c'est ce qui s'exprime en tant que ce qui s'exprime, c'est plutôt un décalage au niveau générationnel, c'est-à-dire que c'est des enjeux que bon, moi je peux peut-être trop difficilement comprendre parce que trop éloigné de ma réalité. Maintenant, si les jeunes y trouvent leur compte et qu'ils arrivent à exprimer leur singularité, moi je dis tant mieux. Et d'ailleurs, finalement, je me rends compte que oui, effectivement, ça ressemble à quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui a quelque chose de... Ouais, c'est assez particulier, cette approche du dancehall qui est un peu lancinant. Enfin, les coups de basse ressemblent limite à des coups de basse de zouk. Donc du coup, j'ai l'impression quand même qu'on est dans quelque chose qui est en train de se dessiner. Donc moi, je laisse les années passer pour voir à quoi ça mène. Et puis au pire, si ça mène pas à quelque chose d'intéressant, il y aura quelque chose de plus intéressant qui prendra le pas. Donc voilà, moi je même si moi je ne m'y retrouve pas, parce que bon, je pense que c'est pas déjà mes aspirations musicales ne sont plus là, et puis que j'ai peut-être pas tous les codes pour bien comprendre, mais il y a quelque chose qui se fait et c'est cool. Mais d'ailleurs, en plus, en ce moment là, il y a un morceau, c'est un morceau de Belay qui a été repris, qui s'appelle Merilo. C'est cool, tu vois, enfin, ça se fait. Après, je trouve que ça serait bien qu'il y ait plus de choses qui aillent dans ce sens-là, pas forcément pour faire du belay, genre comme si c'était dans une soirée belay, puisque là, les enjeux ne sont pas là, mais comprendre et saisir la dynamique du belay et ses fondements, je pense que c'est essentiel, parce que du coup, après, tu peux faire tenir n'importe quel type de baraque dessus, voilà. Conlambi Musique Jeudi avec EDS. Point de vue sur les musiques actuelles de Martinique et de Guadeloupe. Musique Jeudi, à l'instant vous avez entendu un petit entretien avec DJ Nos, NO2S de la Martinique. On le remercie pour sa disponibilité. On vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, très actif en Martinique pour ceux qui sont sur place dans différents bars, différents événements où il se produit. Suivez aussi son projet Futur Belay Beats, très intéressant. Et pour ceux qui étaient peut-être à Paris cet été, au festival Afropunk, DJ Nos de la Martinique. Et on poursuit toujours centré sur le DJ, l'élément principal de musique comme le hip-hop qui est un petit peu passé derrière et maintenant qui revient devant avec toutes ces musiques digitales. On va parler avec DJ Motsek de la Martinique. Motsek, bonjour. Bonjour Watson. Avant de te laisser la parole, on va t'écouter en musique tout de suite. Motsek, on vient de me faire la remarque, j'ai dit la Martinique, je pensais à DJ Nos, mais Motsek, c'est la Guadeloupe, c'est d'ailleurs le but de cette double interview, d'avoir un peu les différents aspects, donc je m'excuse, Motsek, pour cette erreur. C'est la même famille. On va démarrer avec, comme tu es DJ, des sélections que tu nous as ramenées, voilà, directement on va planter le décor comme si nous étions dans une soirée animé par monsieur. On écoute un premier extrait que tu nous as proposé, Malbar Dance. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on est en train d'écouter ? Alors, on est en train d'écouter un producteur qui s'appelle Loya, qui en fait mélange toutes les musiques indiennes, en fait toutes les influences qu'on connaît de musique de La Réunion, parce qu'il est de La Réunion. Je crois pas qu'il soit né à La Réunion, mais en tout cas, il est revenu à La Réunion. Il a bossé sur un concept un peu fusionnel autour du Maloya. La musique mauricienne aussi, le Sega. Et puis les musiques tamoules, en fait, tout simplement, toutes les influences qui composent un peu toute la culture de La Réunion. Très mélangée, en tout cas, culture très mélangée. Prochain extrait que tu nous as envoyé, allons-y. Just want to dance. Premier outil, pas réaller. Manier outil, pas remontrer. Première fois, pour pas compter. Dans le site, Madinina. Saoudi, moi, souris pas moi. Dansez pas moi, pour caper moi. On te parle, pareil souris, pareil saisi, pareil vivre. Donc là, on reconnaît la voix de David Walters. Ah oui. Est-ce que tu peux nous présenter maintenant ce morceau ? Bah écoute, c'est une collab entre Bodhi Salva, qui est le producteur un peu afro beat qui est là depuis le début, c'est un ancien, et David Walters qu'on connaît effectivement, qui est un producteur, musicien, multi-instrumentiste martiniquais, et qu'ils ont fait une collab ensemble. Ce qui est intéressant dans ce choix que j'ai fait, c'est en fait de montrer qu'en fait il y a des collaborations qui peuvent se faire avec des noms caribéens, comme Bodhi Salva qui est lui africain, et en fait effectivement un mec comme David Walters qui vient avec le créole et que ça marche effectivement très très bien. Donc moi j'ai la chance d'avoir déjà expérimenté les soirées de Motsek, les célèbres californiques. Ce qui m'a frappé, c'est le fait de retrouver le plaisir d'écouter le set du DJ, de découvrir des sons, pas juste entendre les tubes du moment dans les styles habituels. Tu qualifies ton style de deep électropical, qu'entends-tu par là ? Alors, deep électropical pour moi, c'est arriver à rester nous-mêmes, comme disait Aimé Césaire, ben, c'est le temps de nous-mêmes, et ce temps de nous-mêmes nous permet de nous re-questionner en fait sur ce que nous sommes. Mais tout en restant effectivement, parce que quand on a aimé toutes ces musiques électroniques que tu viens de citer aussi, le hip-hop effectivement, qui est ma base en fait, avec les musiques que j'ai écoutées depuis que j'avais l'âge de 15-16 ans. Et avec toutes les musiques électroniques, c'est-à-dire la deep house et tout ça, il fallait trouver un moyen, pour moi en tout cas, de rallier tout ça. Et sans oublier, je pense que c'est un fondement aujourd'hui important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec nous, en tout cas Antillais, qu'est-ce qu'on fait avec notre culture, qu'est-ce qu'on propose aux gens, comment les gens vont se retrouver, eux, étant de la Guadeloupe ou de la Martinique, et se sentir non pas être obligé d'écouter soit de la musique traditionnelle ou soit de la musique moderne, mais un mélange des deux. Comme on a fait en fait dans notre dossier Beats l'Entoulaté, c'est partir un peu de toutes ces nouvelles musiques qui viennent de partout pour revenir à nous-mêmes. Quel lien tu fais entre voilà, tes sélections que tu vas chercher dans l'océan Indien, en Europe ou ailleurs, en Afrique, et justement ce temps de nous-mêmes? Comment tu fais le lien entre les deux? Eh bien moi en tout cas, dans ces sélections que je t'ai proposées, eh bien moi c'est des musiques, quand je les entends, ça me ravit, ça me rassure, parce que j'ai toujours eu envie d'aller dans cette direction. Mais c'est vrai qu'on vient d'une culture où en fait on a pris l'habitude pendant très longtemps, si tu veux, de proposer la musique des autres, de toujours mettre en avant ceux des autres. C'est-à-dire si on fait du hip hop, on essaie de ressembler aux Américains, si on fait l'électro, on essaie de ressembler à d'autres producteurs européens ou autres. Et en fait ce qui me ravit dans toutes ces musiques d'aujourd'hui, c'est que ça met en confiance de savoir qu'il y a effectivement, cette musique est internationale, c'est-à-dire est appréciée et aimée et appréciée par tout le monde en fait. Tu passes ces musiques-là quand je mixe dans des endroits où j'ai préparé un remix, je sais pas si ça va fonctionner. Et en fait, quand je le joue, je me rends compte que, effectivement, il n'y a pas que seulement les Antillais qui le comprennent, mais aussi, les Européens, et quels que soient les Chinois, les Japonais, tu vois. Bah. Tu parlais de remix. On va écouter un petit remix de Motsek, le titre Bullpick Neck d'Afrique. Comme ça, on va parler voilà, de ces remix que nous propose Motsek. Sous-titrage serai en vaguen. Empilé yon sous l'autre. Ou bien joli à décider. Comme pour Nos, en fait, même question, tu mixes, on l'a dit, et tu remixes, tu composes aussi. Restons là maintenant sur ce travail de remix que tu aimes beaucoup proposer, que ce soit sur les réseaux, sur ta page SoundCloud, ou en soirée. Qu'est-ce que tu recherches à travers ce type de remix ? De réactualiser en fait des morceaux que peut-être certaines catégories, en tout cas de personnes, n'écouteraient pas sinon. Et en fait, le fait de leur proposer ça avec des beats actuels, avec une formule, une écriture complètement contemporaine, eh ben, ils le découvrent. Et ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que le remix, en fait, prend la musique de quelqu'un d'autre et de la remanier. Il y a des gens qui sont pour, il y a du pour, il y a du contre et tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Mais tu sais que c'est marrant, grâce à ton remix, j'ai été réécouter l'original. Et quand j'ai découvert l'original, eh bien, j'aime autant l'original. » Donc, tu vois, moi, je pense qu'on ne dessert pas la musique en faisant ça. Au contraire, on la rend effectivement plus accessible à tout le monde. Cette émergence de toutes ces musiques qu'on qualifie de EDM, Electronic Dance Music, ou Afro House, tous ces termes. Moi, ce que je vois dans ton travail, c'est qu'il y a toujours ce lien que tu gardes en permanence entre la tradition et cette nouvelle musique, cette modernité. Si on regarde ne serait-ce que les noms des soirées que tu organises, Ancestral K, Traditional Future également, c'est vraiment quelque chose que tu as en tête en permanence. Et on voit que tu t'amuses à remixer des anciens morceaux pour les remettre au goût du jour. Pourquoi tu veux à tout prix garder ce lien ? Eh bien, écoute, j'écoutais ce que disait Nos, et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, quand tu grandis, parce que c'est le cas aussi pour moi, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec le gros cas. J'ai pas grandi avec les musiques modernes. J'ai connu ça finalement assez tard. Mais en fait, j'ai grandi dans la tradition. J'ai eu cette chance-là. Et quand j'ai rencontré, et en fait, c'est la tradition qui m'amène au monde, si tu veux. Et la tradition m'amène à rencontrer, parce que j'ai été danseur, donc bon, la danse gros cas m'a amené à découvrir d'autres formes de danse, dont j'ai découvert la danse hip-hop, la danse africaine et tout ça. Mais c'est toujours avec cette conscience de ce que j'étais. Et quand j'ai commencé effectivement à mixer de la musique, à faire du son, parce que je suis aussi percussionniste, donc effectivement quand je commençais à faire ce travail-là, je me suis rendu compte que effectivement il y avait un manque. Il y a quelque chose qui me manquait. Il y avait quelque chose qui n'était pas complètement complet. Et en fait, maintenant, en retravaillant dans tout ce monde que j'appelle le traditional future, je me sens bien, je me sens chez moi, je me sens et j'ai envie de donner ça aux gens, j'ai envie de leur dire voilà ce que je suis, voilà ce que je vous propose. Ce que je trouve intéressant donc, dans tes soirées, deux choses, c'est que tu associes toujours le live, le vrai live, à une partie de mix, avec souvent des artistes d'anciennes générations qui viennent se mélanger. Donc tu mélanges parfois le digital et l'acoustique, le tambour. Et aussi qu'en faisant ce travail-là, puisque ça brasse quand même des gens d'horizons assez différents, pas uniquement les adeptes de la tradition, du gros K ou du belay, je trouve que c'est assez original parce que souvent les démarches, on va dire, identitaires, même de résistance, peuvent paraître pour certains assez rébarbatives, alors que toi, tu arrives à drainer un public venu pour danser, je dirais presque un public de club, mais qui aujourd'hui recherche autre chose. Est-ce que c'était ton intention ? Ouais, c'était exactement mon intention, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ça, en fait, marchait ensemble. Il n'y avait pas besoin de mettre de côté, de séparer la tradition et puis les gens qui viennent danser, qu'en fait, ça pouvait fonctionner ensemble. Par exemple, il me semble, j'avais raté cette soirée, mais il y avait un grivalier qui était venu chanter ou jouer du belay. Je voulais savoir, pour ces anciens, ces potomitans de la culture, quel est leur retour lorsqu'ils participent à ce type de soirée ? Eh bien, Edson, c'est ce qui est étonnant. Eh bien, complètement, ils sont complètement dedans. Et c'est ce que, quand tu parles de Grivalier, c'était Jean-Philippe Grivalier, effectivement, avec qui je collabore assez régulièrement sur d'autres projets, hein. Mais dans les soirées, ce qui était, moi, les premières fois que j'ai, parce que j'ai toujours invité beaucoup le Gros Cas et tout ça, venant de la Guadeloupe et tout. Et quand j'ai commencé à inviter des percussionnistes martiniquais, je savais pas comment ça allait fonctionner. Eh bien, ça fonctionne très, très, très bien. Traditionnel, mais c'est moderne, en fait, tout à fait. Exact. On va écouter un petit extrait d'un morceau qu'on a entendu en tout début pour introduire Mode Sec. On va revenir sur Quand à la richesse. C'est un remix donc de Mode Sec avec deux invités, Ronica et Laiko. On se remet un petit morceau et on va parler de l'histoire de ce morceau, tout simplement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ce titre est né? Écoute, ça c'est effectivement Robert Loison, un morceau phare de Robert Loison, l'un de ses morceaux, je crois, le plus engagé. Parce qu'il parle là de moments de grève, de quand on a la richesse, donc de l'industrie de la canne à sucre. Et ce qui était assez, parce que c'est un morceau qui finalement était très très intéressant et très intime pour moi à faire, puisque j'ai rencontré ce monsieur. Cet énorme monument de la chanson du Gros Cas. J'avais quoi, 15 ou 16 ans, j'ai rencontré chez Madame Soso. Et c'était un monsieur qui était très très grand et vraiment impressionnant. Et je me rappelle toujours que je le regardais, je le regardais de couteau au papier. Ouais, je regardais comme ça. Et ouais, c'était vraiment, l'entendre chanter, c'était juste énorme. Et finalement, 30 ou 35 ans après, je me retrouve à remixer une de ses chansons phares. Et je l'ai fait avec un chanteur qui est Ronnie, effectivement, il s'appelle Ronica, c'est son blaze. Et qui est un très très jeune mais très très bon chanteur, et aussi avec Laiko qui est plutôt dans une démarche effectivement électro-ka et tout ça, donc des gens qui sont vraiment liés à cette musique là d'une certaine manière. Et on a pris un plaisir fou à remixer ça en mode effectivement un peu afro house comme ça. Tu as précisé donc que tu as grandi dans le Gros Cas, tu es percussionniste et tu as souvent d'ailleurs tes percussions lorsque tu mixes. Je voulais savoir qu'est-ce que le fait de la connaissance de l'instrument et même de la musique Gros Cas t'apporte en tant que DJ. Eh bien, écoute, c'est tellement intime le Gros Cas qu'il n'y a rien sans le Gros Cas, en fait. Je ne crois pas que je puisse citer une activité finalement artistique que j'ai pu faire, soit dans le passé ou dans le présent, qui ne soit pas directement liée avec le Gros Cas. Donc, en fait, finalement, le Gros Cas, c'est le ciment, c'est le lien, c'est ce qui me permet effectivement de garder ce lien familial, artistique, et puis une vision sans complexe, en fait, du monde. C'est-à-dire qu'on est tellement confiant de... Et le Belay, c'est pareil. Le Belay, c'est aussi... effectivement, moi, je n'ai pas grandi avec le Belay, mais le Belay, c'est pareil. C'est-à-dire comme Nos qui a grandi avec le Belay, ben, ça permet d'être très, très, très confiant, de ne pas se perdre, en fait. Une vision sans complexe qui fait que, à la différence de beaucoup de DJ, tu arrives avec un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans toutes les soirées ou dans toutes les boîtes de nuit. On sent le côté très marqué donc de cette vague Afro House, à défaut de trouver le terme le plus juste pour décrire cette musique dans ce que toi tu proposes. Je voulais savoir si des fois C'est un mouvement massif finalement, il permet à la fois l'émergence de sons assez régionaux qui n'ont pas l'habitude d'être sur la grande scène, mais aussi à l'inverse une sorte d'uniformisation de la musique, peut-être un côté très folklorisant parfois. Je voulais savoir comment tu fais pour... est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe ou pas du tout? Qui me préoccupe de quoi de... On va dire de garder peut-être l'essence, alors peut-être gros cas, mais ça peut être aussi d'une autre musique, versus faire une espèce de dance qui peut passer partout sans qu'on comprenne, sans qu'on en comprenne l'essence. Mais ça, je pense que ça dépend. C'est vraiment une question de très personnelle de qui va aborder le sujet. Les artistes sont diverses et leur motivation aussi. Donc bon, après, mais c'est toujours borderline de toute façon. On est toujours dans le questionnement, c'est-à-dire à quel moment ça peut effectivement être de la soupe, parce qu'il faut le dire honnêtement, il y a ça aussi, il y a ce risque-là, que ce que tu fais, effectivement, peut être justement un mélange un peu merdique, on va dire. Mais je pense qu'il y a toujours ce risque-là. À partir du moment qu'on fait de la musique comme on fait, c'est-à-dire en récupérant des choses ailleurs, en combinant, en écoutant et en voulant mixer les influences ensemble, il y a ce risque-là. Il faut tout le temps être à l'écoute. Et aussi, quand on est DJ, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'essayer les musiques aussi sur, tu vois, dans les soirées qu'on fait. On est très à l'écoute de voir comment les gens vont réagir à ces musiques-là. Et en fonction de comment les gens réagissent, on sait finalement si... ce qui a du sens. Ouais, si ça a du sens ou pas. On le voit sur la façon même que les gens vont bouger sous la musique. On sent comment le corps l'interprète et comment les gens vivent ça. Ouais. On a dit que tu mixes, que tu remixes, et on a déjà compris que tu composes. Tu as parlé de d'artistes avec qui tu as collaboré. J'ai en tête une collaboration avec Simone Lagrand sous le nom de Sapsap. Également donc avec Laïko, tu travailles à la composition. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours, à venir, dont tu as envie de parler ou voilà, où tu es impliqué? Ouais, ben écoute, il y a un projet plus personnel en fait, en tout cas que j'ai envie de que je suis en train de bosser dessus. Ce sera vraiment beaucoup plus instrumental. Et là où effectivement je vais me concentrer beaucoup sur ce travail de ce que j'appelle le traditionnel future, c'est-à-dire cette combinaison, ce mélange, cette synthèse entre les musiques traditionnelles et aussi la musique électronique. Parce que l'idée sous-jacente de ce dossier qu'on fait, Beats Lantulaté, de voir voilà, tous ces mouvements, on est parti dans la cumbia, dans le rap camerounais, dans plein de musiques diverses, et tu en as ramené, Nos nous en a fait écouter. C'est aussi de se demander, ben voilà, aujourd'hui, nous en Guadeloupe, en Martinique, on a un bagage traditionnel très fort, très riche, on a des musiciens voilà, de très haut niveau qui ont déjà, on ne part pas de zéro. Mais dans cette musique électronique, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à proposer quelque chose de pertinent, sachant que dans les musiques qu'on va dire populaires, comme le zouk, comme le dancehall, comme la trap, il y a une tendance à se formater soi-même, c'est-à-dire la trap va sonner américaine, le zouk ne va plus sonner zouk, le dancehall va imiter la Jamaïque jusque dans la langue. Voilà, je voulais savoir, toi, comment tu perçois la production musicale guadeloupéenne, par exemple? Pour répondre à ta question, très honnêtement, on n'est pas encore assez nombreux. On n'est pas encore assez nombreux à le faire, mais plus on sera à le faire, parce qu'effectivement, je pense que les jeunes producteurs, jeunes ou moins jeunes, entendent ce qui se passe ce soir au Brésil, avec le baile funk, ils entendent ce qui se passe, donc ça leur permet aussi de se dire, mais tiens, si eux ils font ça, nous aussi on peut le faire. Et plus il y aura des producteurs qui vont se lancer dans cette aventure, et plus en fait il y aura une scène, et à partir du moment qu'il y a une scène, il y aura une demande, et à partir de la demande, eh bien, il y aura un développement, la musique va commencer à se développer vraiment. Pour l'instant c'est assez jeune, en tout cas ce qui se passe, en gros on a du retard par rapport aux autres pays, bon, mais ça vient. On va écouter un petit bout, d'ailleurs le morceau s'appelle Bout de Compas. Si tu as le temps de retrouver ce titre, j'ai vu que Branco est impliqué dans le son. Branco, yes. C'est un DJ portugais que je voulais mettre dans le premier volet. Donc je suis très content de le retrouver et de découvrir ce morceau très original. On va écouter Bout de Compas. En 10 secondes, est-ce que tu peux nous présenter, nous dire ce que tu aimes dans ce morceau? Ben, ce que j'aime dans ce morceau, bah, c'est un duo déjà. Les gars, ils sont c'est intéressant parce que aussi c'est une prise de conscience de parce qu'ils ont pas toujours fait ça et quand ils ont pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire avec avec la musique haïtienne, et ils ont fait ce mélange. Et en fait, le fait qu'ils soient pas ni musiciens vaudou traditionnels et tout ça, ils ont pris un peu de tout. Ils ont mis la clave qu'on entend au début du vaudou haïtien. Après, ils ont mis les guitares qu'on connaît bien dans le compas, et ils ont mis ça sur un beat afro-house, en fait, tout simplement, avec une clave, la clave qu'on connaît de l'afro-house, en fait. Vous sentez l'enthousiasme du monsieur Motsek lorsqu'il nous parle de toutes ces musiques. Ce qu'on va retenir, puisque l'émission touche déjà à sa fin, mais voilà, c'est la volonté d'oser. De tenter des choses. Motsek Musique, qu'on peut retrouver sur tous les réseaux sociaux, Motsek. Est-ce que tu as des événements, des DJ sets à annoncer ou Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais suivez. Le monsieur a beaucoup d'événements à proposer, de soirées, très, très productifs. Et c'était le deuxième volet de notre dossier Beats Lantoulaté dans Codenambi Music Jeudi. Et on se redonne rendez-vous certainement pour un troisième volet où là, Motsek vous l'a déjà dit, on est un peu en retard, Martinique, Guadeloupe, sur les propositions musicales dans ce domaine. Mais il y en a quand même, on va les analyser et peut-être essayer de comprendre pourquoi des fois on n'ose pas. Premier dimanche de chaque mois, Codenambi Music Jeudi. Merci beaucoup, Motsek. Merci, Etienne. Merci à Nos, qu'on a entendu tout à l'heure. Et je vous donne rendez-vous 16h-17h, premier dimanche de chaque mois, Codenambi Music Jeudi. À bientôt.